Hep, hep, hep, la vie. Ouais. Viens voir papa, là. Viens. J'ai un truc à te dire, je t'explique. Moi, je et moi-même, on s'aime. Je suis une perle, un as. La vie, elle virevole sur ses pattes tango argentin. Un requin est né, je déchire. Se donner les moyens d'accomplir, accomplir ses rêves. Croire en son idéal. Le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt. Travaille plus, gagne plus. Quand on veut, on peut. Qui peut le bien, peut le mieux, je suis ce qu'il y a de mieux. Un requin, un pur produit du système. Le système m'aime et j'aide le système à être pire pour ceux qu'on raille. Une BM flambant neuve, un appart à Montmartre me blécher, je suis cher. Un frigo qui te dit quand ta bouffe est périmée. De toute façon, je m'en branle, pour moi tous les soirs c'est resto, euro et pute de luxe. Ma femme, rencontrée HEC, ah, c'est bon d'avoir du blé. Normal, je déchire, mon patron me l'a encore répété ce matin. Tire-toi loin, mon gamin, t'es un requin, une masse, un tueur, un killer. Tu pèses, necton, tu défourailles. Écrase la merde et tu seras encore plus grand. Et la merde, t'inquiète, je l'écrase, je lui fais un gros doigt parce que je la connaîtrai pas. Virevolte, la vie sur ses pas de tango argentin. Et je vois pas venir ce putain de bordel qui m'attend. Une réduction de personnel. Moi j'en ai rien à branler, hein. Ça me concerne pas moi. Moi le patron, je l'ai beaucoup trop sucé pour ça. Ah, attends, deux secondes là. Allô ? Oui, bonjour patron, comment ça va ? Oh, c'est une merveilleuse journée qui commence, je suis content de venir travailler. Hein ? Je travaille pas aujourd'hui, mais c'est magnifique un jour de congé, je vous aime patron. Ah, je reviens pas travailler non plus demain. Bah c'est pas grave, je vous fais un bisou patron. Allô tonton Sarko là ? C'est la merde, on fait quoi pour moi ? Il s'est passé que j'ai perdu mon travail, plus possibilité de paiement de loyer, j'ai commencé à vendre mes meubles. Bah, une fois qu'il n'y avait plus rien, et je me suis retrouvé dans la rue. Ce soir c'est décidé, je vais faire dans la continuité de toutes ces heures que j'ai passées à mendier ma bouffe. Ce soir c'est décidé, je vais me voter dans ces papiers, avaler deux ou trois gorgées de ce mauvais ouf. Ce soir faut pas rêver, je vais sûrement pas me dégoûter. Un lit douillet recommandé pour vivre ma vie tranquillement. Ta-da-da, ta-da-da, da-da-da-da, da-da. La rue, je l'ai pas voulu. Même les SDF ils sont robots. T'as vu ce qu'ils encaissent? T'as vu comment ils sont dans quel état? La rue, je l'ai pas voulu. Il y a encore des tas de belles choses, mais tout ça, un jour, on te le fera payer. Comme on fait payer le regard au SDF quand il demande une petite pièce. Avez-vous déjà remarqué comme les gens aiment à passer le regard des tours? Les deux mois, le sourire tourné vers le bas. Un petit coup d'œil serait bien assez. Trop peu d'orgueil pour refuser. À Châtillon, on m'a châtié. De Charenton, on m'a chassé. J'ai vu des tas de frères tomber sur le trottoir en février. Ça caillissait vers la nuit tombée. Juste un détail qu'il faut gommer. On est de trop sous l'escalier. Le métro bien trop fréquenté. Il faudra bien que la nuit passe, même s'il faut que j'y trépasse. Tous ces gens nickelés, propres, brillants, sentant le parfum ultra chic, mais ils te pompent les yeux quand tu leur demandes une petite pièce. La rue, je l'ai pas voulu. Cela fait 14 ans que je suis SDF, j'ai 28 ans. La rue, je l'ai pas voulu. Cela fait 14 ans que je suis SDF, j'ai 28 ans. comme il le faut. J'ai plus qu'en de construire un univers nouveau. J'ai l'écro quand t'étales devant moi ton argent. Le caniveau, trois cartons en guise d'appartement. Oh.